Au moment le plus animé, Crevel prit le baron par le bras et lui dit à l'oreille, de l'air le plus naturel du monde, « Dieu, quelle jolie femme que cette petite dame en rose qui te fusille de ses regards !»« Qui ?»« La femme de ce sous-chef que tu pousses, Dieu sait comme, Madame Marneff !»« Comment sais-tu cela ?»« Tiens, Hulot, je tâcherai de te pardonner tes torts envers moi si tu veux me présenter chez elle, et moi, je te recevrai chez Héloïse. Tout le monde demande qui est cette charmante créature. » Es-tu sûr que personne de tes bureaux n'expliquera de quelle façon la nomination de son mari a été signée? Oh, heureux coquin! Elle vaut mieux qu'un bureau. Ah, je passerai bien à son bureau. Voyons, soyons amis, Sina. Plus que jamais, dit le baron au parfumeur, et je te promets d'être bon enfant. Dans un mois, je te ferai dîner avec ce petit ange-là, car nous en sommes aux anges, mon vieux camarade. Je te conseille de faire comme moi, de quitter les démons.